nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue, l'émission 398. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Oui, alors aujourd'hui, on va parler d'adjectifs, des adjectifs français qui sont passés en breton, de quelques exemples. Parce que ce qui est assez amusant, c'est que il y a des adjectifs français qui passent en breton, mais souvent, ils changent de sens. Ou plus exactement, ils conservent un sens qui disparaît en français. Si bien qu'en fait, c'est plus du tout le même sens que le sens contemporain en français. Alors, de façon générale, les adjectifs sont des mots qui passent facilement d'une langue à l'autre. On voit par exemple les adjectifs anglais qui sont passés en français. Mm-hmm. Il y en a une foule. Hein. Je sais pas, que par exemple, short, light, clean, cool, hot, low, comme dans low cost. Self, soft, hard, speed, open, dry, fast, slow, new, out, smart, voilà, free par exemple aussi, pour gratuit. Donc finalement, bientôt on pourrait parler français en anglais, quoi, en utilisant des adjectifs. Et d'ailleurs, on voit ça assez souvent dans les médias ou même dans le langage des jeunes. Et parfois, l'adjectif est adapté au français. Ce qui se passe en breton aussi, par exemple, on va dire customisé, surbooké. Là, on fait un adjectif français avec une base anglaise. Voilà. Peopleisé. Hein, voilà. Par contre, là, ça garde quand même le même sens qu'en anglais. Oui, là, ça garde le même sens qu'en anglais, mais c'est assez difficile à traduire quand même. Parce que, par exemple, si on prend cool, en français, ce serait décontracté, mais c'est pas tout à fait ça non plus, quoi. Donc, effectivement, c'est un sens qui est différent. C'est normal, puisque c'est conforme au génie de la langue. Il y avait Tiamble, là, qui avait écrit un bouquin, Parlez-vous franglais. Mais aujourd'hui, le pauvre, il aurait de quoi faire un dictionnaire entier. Alors, en breton, la pénétration de l'anglais est très faible. Quoi qu'on puisse reprendre les mêmes qu'en français aussi. Mais ça se fait pas beaucoup. Mais beaucoup de mots, évidemment, étaient empruntés en français, puisque et surtout à l'ancien français. Hein, c'est souvent des emprunts qui sont très anciens, si bien que le mot a cheminé et puis il s'est bretonisé. Voilà. Alors je vais prendre quelques exemples. Propre, donc qui est emprunté au français propre, hein, mais qui en général a un sens différent, parce que dans le sens de propreté, on emploie un autre mot qui est emprunté au français aussi, qui est net. Hein? Donc net qui a donné alors des composés comme netadur, hein, le nettoyage, netad, le verbe nettoyer, voilà. Et donc pour ce sens-là, on prend plutôt net. Et propre à un autre sens qui est bienséant, convenable, présentable. Hein. Alors je vais prendre quelques exemples. Par exemple, si je dis probedar overze, hein. Voilà, il serait convenable que tu fasses ceci, quoi. Hein, il serait convenable que tu ailles à l'enterrement. Hein. On entendait souvent des choses comme ça, encore aujourd'hui. Hein. Souvent, on dit proboire aussi, assez convenable. Hein. Proboire et d'arroberzé. Hein. Tu devrais vraiment faire ça, quoi. Hein. Voilà. Proboire et d'arroberzé. Hein. Oui, j'ai dit l'exemple, par exemple, propre vefedar, puisque là, on emploie le conditionnel, hein, propre vefedar, monde de l'intermon. Hein. Il serait bien que tu ailles à l'enterrement, voilà. Alors, il y a aussi une expression qui est, d'ailleurs, en bretonisme, on le dit aussi, c'est faire son propre. Hein, graineuse y propre, hein, par exemple, quelqu'un qui a payé sa tournée, qui n'a pas attendu que les autres payent et lui-même se retirer à la fin, graineuse y propre, hein, il a fait son propre. Et autrefois, par exemple, quand il y avait dans les mariages, quand on se mariait dans un bourg, il fallait faire le tour de tous les bistrots. Et on disait graineuse y propre, ils ont fait leur propre, quoi. Le contraire, c'est oberlose, hein, graineuse lose, hein. Il m'a fait quelque chose de mal, quoi. Il m'a trahi, en quelque sorte. Graineuse lose, voilà. Mais Grenezy Brop, hein, il a fait son propre. Hein, c'est difficile à traduire en français. Alors, l'adjectif a donné un verbe, évidemment, hein, comme pratiquement tous les adjectifs en breton, propat, hein, qui est s'améliorer. Hein, propadran traou, ça s'améliore, c'est mieux. Hein, voilà. Propadran traou, ouais, bon. Oui, je vois pas d'autres exemples tout de suite. La propadra un jeu aussi. Hein. Voilà, les choses s'améliorent. Hein. Voilà. Alors, un autre adjectif qui est emprunté au français et qui n'a plus du tout le même sens, c'est brutal. Brutal, ça veut dire qui s'adapte parfaitement, qui convient parfaitement. Oui, hein. Ça a bien changé de sens. Voilà. Mon ramat au chupendar, brutal. Hein, ta veste va bien, terrible, quoi. Brutal. Abominable. Abominable, oui. Voilà. Brutal, hein. Donc c'est quelque chose qui convient parfaitement. Non obligerait de banotiner, hein, tu te plais dans ta nouvelle maison, brutal. Alors ça c'était très employé autrefois, peut-être un peu moins maintenant. Je sais pas si on l'enseigne dans les écoles bilingues, hein, brutal, mais c'est très employé. Et il y a un autre adjectif assez curieux qu'on trouve dans le Morbihan, par exemple, enfin dans le pays de Vannes, qui est fiscal. D'accord. Fiscal, ça veut dire que c'est comme brutal. Hein. Fiscal, c'est assez amusant d'entendre ça. Hein. Fiscal, c'est vraiment parfait. Alors, ça vient bien sûr de l'adjectif fiscal en français qui n'a rien à voir avec ça, quoi. Hein. Donc, je sais pas par quel cheminement on est arrivé là, mais voilà. Et puis, pour terminer, un autre qui est drôle. Drôle, alors, drôle, c'est en français, c'est un mot qui vient du néerlandais. Hein. Ça désigne un lutin. Et donc quelque chose de plus ou moins comique, quoi. Mais en breton, ça n'a pas du tout ce sens-là, quoi. Quand on dit « undin drôle », c'est pas du tout un homme comique. Hein. Mm-hmm. C'est quelqu'un de lunatique, bizarre, d'humeur changeante. Hein. Deide drôle, hein, il est devenu drôle, mais drôle au sens breton du terme, quoi. Mm-hmm. Hein, donc il n'est pas du tout un sens comique, quoi. Voilà. Donc voilà quelques exemples, hein, d'adjectifs qui sont prononcés pratiquement comme en français et qui n'ont plus du tout le même sens. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y en a encore d'autres. Hein. Mais enfin, voilà un petit aperçu sur. Alors le drôle, là, le dernier, il y a en fait en français il y avait un adjectif un peu voisin mais qui a disparu, qui était drôlatique. Qui rime un peu avec lunatique, quoi. Voilà, drôlatique. Là, c'était pas comique. Pas très utilité non plus. Non, c'est abandonné, ça, c'est perdu, quoi. C'est un mot désuet. Hein. Il n'y a plus que dans les mots croisés qu'on peut trouver ça. Voilà. Donc, sur drôle, on va essayer d'être drôle, nous, au sens français du terme. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg ton matin. Et donc, aujourd'hui, nous sommes retournés à la chapelle Saint-Hernin, voir Iwan. Et donc, c'est Chandy qui est allé voir Iwan Brice. Et donc, on va les écouter. Ah, Pegen Brahe, et dit Yabar Zarchapelle. Wer livet ke, Rezo? Ja, Rezo zo begret gant Hubert de Sainte-Marie, va Kintin. Weladrit, en me manzan de Veltas, gant Iglor, en manzan de Corneli, patron de Londe Cornac. Ah, aimant, pioué? Ah, hément et zantil tut. O zantil tut, mireto tut, velve quand ne bat quoi d'où. A grandement, e manzante zanon, o tiski len di mer, e wer asvari. A grandement, e manz que den zanterne, roas? Ah ya, i e mester chapelman. A peser l'onne da zo taldan? Ah, o louan a gobleï. Gouderit, zanterne zo mez war bleizi a gelerne. A grand auteur en man a zo kerr? Ah, ya, qui zé le doigt bête quand leur vreux d'or mort vent. gant ar vodeur morvan. Aya, me ne ket ur gant erien. Ur emañ e veve, kant la so. Ba bulad. A kizelen ar en an pardoign, an en get kalz e draou. Met goteil, clever an zo rumadel o ton. On passe à la traduction ? On passe à la traduction, donc, de ce Brezhoneg tamm a tamm 360. Chianik demande... Enfin, demande, non, elle s'exclame. Pegan brao e di a barz ar chapel, gwer livet keir a zo. Ah oui, pegan brao e di a barz ar chapel. Que l'intérieur de la chapelle est beau, en fait. Gwer livet keir a zo, il y a de beaux vitraux. Ya, a rezez o begret gant Hubert de Sainte-Marie, ba Quintin. Oui, ceux-là, donc ces vitraux-là, ont été faits par Hubert de Sainte-Marie, Bakintin. Hein, Hubert de Sainte-Marie était un vitrailliste très connu qui a fait beaucoup de vitraux dans le pays ici. Hein. Gwellerit, en man et manzan Weltas, Gandiglor. Ya. Alors, vous voyez, puisqu'il la vous voit, hein, ici, il y a Saint-Gilda avec sa cloche. Le symbole de la cloche. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que ce serait trop long. D'accord. En main et main, Sainte-Cornélie, patron à Londres et de Cornec. Alors, ici, Sainte-Cornélie, le patron des bêtes à cornes. Ah, Hémant Pioué, demande Chanique. Et celui-là, qui c'est ? Hémant et Zandildut. Aux Zandildut, Mirette au Tut. Vous avez Cornet de Bois-Coadou. Hémant et Zandildut. Celui-ci, c'est Saint-Iltut. Et alors, il entonne un peu le refrain de Zandildut, hein, comme on le chante à Coadou. Aux Zandildut, Mirette au Tut, donc Oui, aux Saint-Iltut, gardez vos gens, hein, oui. Au Tut, vos gens, quoi. C'est-à-dire, protégez-nous, quoi, de tous les maux de la terre. En main et ma Santézana, au Tiskilneng, dit mère. Ouais, Razvari. Ouais, Razvari. En moment, Zantezanan, ici, il y a Sainte-Anne, au Tiskilneng, dit mère, qui apprend à lire à sa fille la Vierge Marie. C'est une représentation très habituelle de Sainte-Anne. À Gaman et Manskeuden Zanterne, Roas. Et ici, il y a encore la statue de Saint-Ernin, parce qu'on en a déjà vu une à l'extérieur. Ah, ya, elle est maître à chapellement. Ah, bah oui, il justifie. Ah, oui, lui, il est le patron de cette chapelle. À Pessor Lonne de Zotaldan. Et quelles sont les bêtes à côté de lui, à Pessor Lonne de Zotaldan ? Un loup, hein, à Gublay. Un renard et un loup. Gouderit Zandern zo mes war ar blei a Galern. Voilà, vous savez, hein, Saint-Erne est le maître war ar blei a Galern, donc sur les loups et sur les renards. Alors, ça marche évidemment en breton, ça ne rime pas en français. Lern rime avec Saint-Erne. Hein. Voilà. Un grand auteur en man a zo kaer. Oh, et l'hôtel ici est beau. Ya, qu'ils aient des bêtes gant vreudeur Morvan. Oui. Dans la vreudeur Morvan. Oui, il a été sculpté par les frères Morvan. Gant ar vreudeur Morvan. Alors elle s'étonne évidemment. Ya, mais n'est qu'elle ar gant arien. Oui, mais ce ne sont pas les chanteurs. Arrément à VV, Candelaroc. Candelaroc. Oui, il s'est trompé d'ailleurs, il a dit Candelasso, mais c'est Candelaroc. Cela vivait 100 ans avant. D'accord. Babulat. Babulat, oui. Qu'ils aient l'air, rien en partent à Brudet. Oui. Oui, c'était des tailleurs de pierre. Hein. Kizeller, il y en a des sculpteurs compétents, hein, bien doués, en part, hein, et célèbres, bruits de douane. Mais Gotei, Cléveron, Rumat, Tudel, Outong. Mais attendez, j'entends un autre groupe qui arrive, parce que c'est les journées du patrimoine, donc, donc il va aller guider ces gens qui viennent d'arriver. Et voilà. Et ce sera terminé pour la visite de la chapelle Saint-Erne. Troisième partie d'émission, Petrazone Vervroeri. Petrazone Vervro, Calzedrao et Veljus, Boervi, je dis vous en. Krogom et Velkis, Acustum, Gandola, Bourdouar, Agervu et Warmes. Tramène des noms vraiment, Eruom, Ban 10, 40 ans. Hiradra un 11, et Veljus, Beradra un D. Ak Prestigevo, Warmes, hulde zeer hier maïs hag betraves. Ur maïs, ya bremañ ve gwell kaz maïs, gwezhel ne vijek gwell maïs bavro, am. Bet hag ur blavezio trug, ne vijek gwell maïs ba parkadou vel ve gwell bremañ. Met de hulde se vijek vag de londe de par de gwan, gant vwen, gant betraves, gant ruta, gant yot, machon me yot, bopet. Hag ba blavezio trugen, hanter kan lasso, bremañ, eo aie maiz bavro, pez ne chanche kalz e draou. Jonj meus deus houls pe eo aie ur maiz bavro, velemze, velon dra, curius, dern deus un dud lare o, ze ne badoket. Pe dior, ze zo dud deus larel, me ze ne badoket. Ba pad neus, a beta bremañ bopet. Bon dern oa en eb d'ur maiz, bon... un technicien ne doit du evel juste un vide la cat dit dans maïs un jonc me soit j'ai comme ce casse de c'est quoi bon ag bwb classe que dans maïs blas ou rog mais wa que de sorte au maïs à bridoir vidor en bavro quoi de hulse wa begrede ninra dohan ag ninra dohan eis à hanterkan ag reise ou à moyen de garde bavro à cette uadei de maïs bavro. Bon. Ne vaisseau, un draf. Un draf et ger viger stad vide pezel de ze labre douar vide randvro. Un zimban de or studiaden war zevel londet e breiz. Plus dur ve gwarad, hein. Tien tant de randvro e brovranz e breiz et vide lèze, vide yir, vide mort, vide loueyo, hein. Bon, kalz de draou ve gred amre e breiz hag vid kalz e draou mon e breiz bapen tient tant. Hag eus evel lonet se, il va, jin gal hag, ur a labour de spen tri han an bregere se zo labourat, vid ob ur bouet an dut. Hag ba nan bregere zio se zo war dro trug an mil den o labour an. Ba se stal yo se, hag an se zo e bouez evel chus vid ekonomie e zor vro. Met ur mar emañ eus o kalz e gudenou, bon, kom se rand de CV jo, hein, gant de stalio, hein, hag bon, kudenou zo, hag red o kad diskoulmo evit an mez eus an afer eo. Bon, bet zo an afer dou, ur gad, an afer gad, tout. Bon, dalke bon, mont pel ar warze, meg gwell ar red zo kalz e gudenou. Bru, meum eus tra zo a breiz tro a diar zmad, hein, ar zo be komz eus d'ar neus ke gwall bel zo deus plant pato. Pe dur eus breiz eus ket kalz eus plant pato a vin kas de spen hanter kantbro war ur bet. Hag zio war bon war dro tri hant ferm zo hob ur pato eus breiz. Hag pato, plant pato ze ve kavet war 10.000 devezaret. Pe 5.000 hectar ma peson. Gon a zezo bouez, hein. Hag zur war zo nam zur de zon evit de pato, pudur neus ket bet kavet bouet gwell ar bet a brom, legumaj evit de pato. Retonne de blijede a pato, hein. Kaz gant ao enou, breiz am gomz eus a pato. Da skwer pe vije kan ton rost, hein. Rost e gwell an maz zo, pe ve wanda ober friko. A pevel lac gant en haut houche le bateau, n'en avait plus déjà du remis que vrai ton neutre. Voilà, c'est quand on rost. Hag, en grand au enel, ouah, vi j'ai quand de, me zbiclé, comme, quand on grand œuvre de, grand œuvre, n'est que grand œuvre de morvan, mais grand œuvre waris de guadec, un tel avec bateau, ma treize ne peut zbiclé, vas-y. On tourne, ouah, on tourne, gavotte. Puis on compte de ce voiries de Guadeg à de ce Vredor Morvan. Gwell me zare vo inor de Vredor Morvan, ba fin de mis, vo ho te, enfin, Henri et Yvon, vo handvet officour vi de Narzou ag Liziri, officier des arts et des lettres. Ba fin de mis, ba, bemoir nugen de miser et ba zan li gouden. Bon, dans mon temps, vraiment, war politique, res, tost al ram de ce, votadegou, videur, par ouzou, hein, puis j'en ai ce que mes rouer misjin, hag, bon, krogin trou de vir vi un temps, bah, vro, visé, puis j'en fais, commence de se, y avait juste, n'est que krogin du de gambal, y was, mais, comme se fait de se, Aze Jorba Pebarus vos red di bob gusulerien, pe tamman velar de gonsaierien, hag eumer, oan hantelar de notre eumer, mais vraiment, ne ket o notre eumer, mort, vejo ve o nitron, nitron verres, gwejel vigelar ze notre eumer, hag mamme soa bed ar gando an grel war notre eumer, notre eumer, deus e diar gris, gwel or viguin, grave gist, hag a tra aussi, c'est quoi. Notre eumer, deus e rostren, zo polzon ar huiben, hag ze oa ur bal, ur bal fisel, war tout de merio, bon. Ve vraiment zo, velard o tra oumer, pe tromant an itron eus verres. Bon, plar an aig gant, gant merio, ya. Gazeten ou zo vraiment o houl gant merio, hag e, en prest radroi, pe en jonge de radroi. De glas que rat tapo o gardor me bet a gom en eus un lebeu de responch bavro am en eus ke med mer lokal vrieug bozeg en eus lar et sklair tile zo igarg reel zo rotas de vel pe sa mod dro yo navel ge mer rostren eus lar doa ront hadroi me hendel en eus ke kalz a gela roaz a sklair pe zi jonge d'oper. Or gudenel zo bavro pe ve komz eus politiker eus vid ur CCKB, strolat parez ou kreiz breiz, pu dur bon bremañ a hello ter barouz trefrin plevin a tre ogan, kuit ad CCKB, evit de non stag an de strolat poer komunote. Hag bon ze zo ur guden vid CCKB, pu dur war eis parouz war nug, ne chomo ket yin, me pem war nug, hag ne zigresko ket de har govize, setu, o stertor kad hempouez, tre ner an o ton barz, hag ner an o ton mez, o hon mez. Bon, gwellet vo zirwar vo rat komz de se, pad ur mar e c'hoaz, pudur, no ke gret ze rog do vil pemzeg. Bon, war an dachenel, bremañ, eru e ap, houz vraiment de l'idan tregond vet devabla RKB. Pu dur tregond, boet tregond la sauve et clève d'RKB war bavro am in gal hag in brezon hag bon zezo an dra bouez vid evro. Azur war, azur ma meus pu dur me jonge ma de se oui, oa yo an tre de houz mais mi me jonge de se pe oa bekrou de RKB hag oa ket gwalez, da, oa ket gwalez de zivel o radio de houlz, pe dur oa ket der an oa ket mann evit me o hoz tokar oa beka da dun de jonge de ze. Bon, c'hed oa ka ad kaz youl evit de don de ben, d'ober ze. Me bon benefin e krou ed e be krou ed RKB a part de neus beta bremañ. Zon jemeus de houlz, mam eus oa kalz du dalar e o potiestud ben ugen lasso am ne vo den betin o kant brezhonek, da ke bon o radio in brezhonek, hag kalz edun meus bikle e larze. Ah, o lar edun, waler a blavez yo, waler a blad dauvil, vo echu granze, vo ke den betin o kant brezhonek. Hag bon gwell aret, bon guire zo et kalz edun de ze re gant e brezhonek de houl se zo et nan an, mem me mestra, bon ve, a bremañ zo re yaou an tis ki brezhonek, setu, zo nam zor de zon. Mais de bon red de vos deran labour à doar dach un brezon de gevit juste hein rizoet en an an zo et alis gand gand tout un tensorio grandte azo chom me di en ave mais de bon cas de draus même stras au bimir hein vrai grâce de RKB plutôt au bid de au biclet cas de du de au cas brezon de RKB à soet en an an hag sur oar vo moyen de dreus kaskaz e draou vid rumad ou de zon, a gant skroaz el d'astum da skoir, a traou dis. Bon, hag bon, un debenek de ben, bon, ben tregon l'arme, ma trez un pe daugen l'arme, vreton de gompren o pegen precius e riez evid o bro. Bon, ne ket aie nam zor zor oaz, pe dur Jacobin zo bepret tien krein, tout d'or galout couzlard sous grand terre, hein, Jacobine de Guen, Jacobine rue, Jacobine pêcheur, peuple sormot, à Jacobine ville estradurus, rien sous gois en gois, car rien que renard le grand dut, rien labour à dresin d'an, mais de me mestra, bon temps matin, me ve guelet, hein, guelemus, nevisso, armes guelet, ou à l'ouest éclair, hein, mais là, armes à cause, ou à bid, bro cob, zo honte de vous rendre de Calon Breis. Un grand signe, voilà, red, zo trop, zézo, n'est que bel un temps marouis, mais on a ouais, il me mestra, un deux, deux spéces au moyen d'abord. Ag, bonne vie de, pésezel de ze nigraïsé, non, arme, vegouelle, pésamo de, vraiment, la Jacobine de Roy, plusieurs bénéfines, zo bégel case drouz, ou ardi graïsé, non, à ne ce que de m'en bémès, de ze remine, zo deux, de logon, de mèse, ma peçon. A même ce présidente de Randvroy, ou à beau de ce que quoi le belzo, à rabananet, ag, n'englare de, ou une bête de dépite bras, grande pièce au bégrette, vie d'une digraisée, non, plus dur, n'est que d'un trois ou à roc, tombé de ma, à ma treize en main, mais une d'aigle ouadrin. Bon. Sais-tu, vos raids d'air un labourade, hein, ou à dash un, heurliez, hein, bon, radio, labour à ou à trawel, hein, ou à dash un économise, ou à dash un, toute pièce végrette bavro, mais, près de vos labours à ou à dash un heurliez, à ou à dash un, alors, Zivinadio. Ag, bon, gand Radio Yowel, hein, plus dur en minant de gand Radio Yowel. Radio Brooklyn de Arvoric FM, Radio Kerné. Plume FM, à Réel Vejo. Bon, vos moyens de Derhan von Warog. Ag, bon, vide, vos raids Keleyer de Zevro. Ag, vos icours d'un dut, de Zizolo ino Zivinadio, hein, plus dur, vraiment grande médaille au bras, médaille au bras, avec compte de ses couls l'arrêt. Bon, parce que là, je vais que disque calz un draw, vers le nistor evro, avec disque d'orvigal et un amande. Bon, sais-tu vos redmond, der un labourat, à der un storm. Bon, rogue, bon, rogue, vos grès d'orguel, vider kabé, à un anque de gomstin de ze, zévenadur, rat krog, rin de gomz de ses, puis votre âme d'orguel, mais rotassé, n'a un larandar, tien norvégel, larandar, on doc, tien norvégel, chilové en l'RKB, à, hier mort, tenol. Trugari, Eric. Ya, salut.